Sanyojana Fadas. I have explained five Fadas, five kinds of Fadas. Sakaya Deity, Vijigecha, Silabhata Brahmasa, Kama Raga, and Patika. Sakaya Deity, wrong view on Nama and Rupa or five aggregates. Vijigecha, doubt about the Bodhidharma Sangha. Silabhata Paramata, practice with rites and rituals or ceremonies. Then Kama Raga, sense desire or sensual desire, sense desire. Desire for senses, seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Patika, ill will or anger. I have already explained ill will. Hier, je vous ai parlé des Samyojana, les entraves. Je vous ai parlé de ces cinq facteurs. Le premier, Sakaya Ditti. Le deuxième, Visikicha. Le troisième, Silabhata Paramata. Le quatrième, Kamaraga. Le cinquième, Patiga. Le premier, Sakaya Ditti, ce sont les vues fausses concernant les cinq agrégats, concernant Nama et Rupa. Le doute, c'est le doute à propos du Bouddha, du Dhamma et de la Sangha, Visikicha. Le troisième, c'est la croyance en l'efficacité des rites et des cérémonies. Le quatrième, Kamaraga, c'est le désir pour les contacts sensoriels, le désir pour entendre, voir, sentir, goûter, toucher et penser. Et le cinquième, Patiga, c'est la colère, la malveillance. Je vous ai parlé déjà des trois premiers de ces facteurs, et je vous ai expliqué que lorsque le yogi atteint le premier stade d'illumination, il se débarrasse de ces trois premiers facteurs, Sakaya Ditti, Visikicha et Silabhata Paramata. Lorsqu'il atteint le deuxième stade d'illumination, Sakatagami, il n'élimine pas encore Kamaraga ni Patiga, mais il les atténue fortement. Pour nous en souvenir, nous allons les réciter tous ensemble. So please repeat after me. Sakaya Deity Sanyojana. Sakaya Deity Sanyojana. Vijigecha Sanyojana. Vijigecha Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. One group to another may be difficult for you. Sakaya Deity Sanyojana. Sakaya Deity Sanyojana. Vijigecha Sanyojana. Vijigecha Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Sakaya Deity Sanyojana. Sakaya Deity Sanyojana. Vijigecha Sanyojana. Vijigecha Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Yojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Please, three times. Sakaya Ditti Sanyojana. Visikicha Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Sakaya Ditti Sanyojana. Visikicha Sanyojana. Silabhata Paramasa Sanyojana. Sakaya diti samyujana. Visikicha samyujana. Sila pada paramasa samyujana. This evening's Dhamma talk is memorizing Dhamma talk. So you have to memorize all samyujanas today. Réciter par cœur ces mots en pali, c'est l'étude théorique pariyatti. Si vous étudiez par cœur ces mots, que vous développez donc la connaissance théorique, vous comprendrez mieux l'enseignement du Bouddha. Vous comprendrez les mots qu'a utilisés le Bouddha et vous serez heureux. Samyojana, ce sont donc ce que l'on appelle en français les entraves. Il y a 10 sortes d'entraves. On pourrait comparer ces 10 sortes d'entraves à 10 sortes de cordes. Lorsque on fait des cordes, on peut les faire dans toutes sortes de matériaux. On peut faire des cordes de coton, des cordes de fer, des cordes de cuivre. Tout cela est possible. On parle des cordes des entraves. Nous sommes attachés par ces 10 entraves. À cause de ces attaches, de ces entraves, il est impossible d'échapper au samsara. Ces cordes nous lient au cycle des renaissances. À moins d'arriver au premier stade d'illumination, il n'est donc pas possible d'éliminer de soi Sakaya Ditti, les vues fausses concernant les 5 agrégats, Visikicha, le doute à propos du Bouddha, du Dhamma et de la Sangha, Silapada Paramasa, la croyance en l'efficacité des rites et des cérémonies. Quant à Kamaraga, le désir sensuel, il sera très clair, très fort. Lorsqu'on parle du désir sensuel, il ne s'agit pas seulement du fait de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, mais l'attachement aux familles, par exemple, ou aux biens matériels, fait partie de Kamaraga. Nous ne serons pas toujours fâchés. La colère ne sera pas constamment présente en nous, mais c'est cependant également une entrave. Le désir sensuel, c'est l'oba, l'attachement à ses possessions, à sa famille. Comme vous le savez, il est très difficile de quitter sa famille lorsqu'on y est attaché. Lorsque vous venez à une retraite, vous devez quitter votre famille, et ce n'est pas facile parce que nous sommes encore des êtres ordinaires des Putujana. C'est donc une corde qui nous lie à nos familles. Ce n'est pas facile de quitter sa famille, vous l'aurez probablement constaté par vous-même. Vous êtes ici à pratiquer les 4 établissements de l'attention. On vous demande de maintenir votre esprit fixé très solidement sur l'objet d'attention. On vous demande d'observer cet objet sans interruption. Mais pendant combien de temps votre esprit réussit-il à rester fixé sur l'objet? Quand l'esprit s'envole-t-il pour aller dans votre famille? Quand l'esprit s'envole-t-il pour penser à ce que vous avez, ce que vous possédez? Vous êtes donc enchaîné à ces choses, enchaîné à votre famille, enchaîné à vos possessions. Cet enchaînement, c'est Kamaraga Samyojana. Nous essayons de développer notre attention de façon à comprendre la véritable nature du corps et de l'esprit, pour comprendre l'enseignement du Bouddha. On écoute l'enseignement à propos des 3 caractéristiques des phénomènes. Mais pendant qu'on écoute l'enseignement, bien souvent, la colère va s'infiltrer dans l'esprit, l'insatisfaction, le mécontentement. Et si on ne note pas ces choses, elles vont devenir plus fortes. Cet enchaînement à la colère, c'est Patiga Samyojana. Seuls les anagamis, ceux qui ne reviennent plus, seuls sont libres, se sont libérés de Kamaraga et de Patiga. Même si vous n'êtes pas encore en mesure d'éliminer complètement ces impuretés de votre esprit, vous vous efforcez d'être attentif sans interruption. Lorsque votre attention sera devenue forte, ces états d'esprit ne pourront plus apparaître en vous. Au moment où vous notez attentivement l'objet, vous notez par exemple voir avec précision. Et si vous réussissez à cerner l'objet avec précision, à maintenir votre esprit sur l'objet, il est impossible que le désir s'introduise en vous. Si l'objet est agréable, il n'y aura aucun désir. Si l'objet est désagréable, il n'y aura pas non plus de colère. Votre esprit devient neutre. Il n'y a pas de désir sensuel kamaraga, il n'y a pas de colère ou d'insatisfaction patiga. Mais si nous ne sommes pas capables de noter voir au moment où nous voyons quelque chose, il est inévitable que les pensées apparaissent dans l'esprit à propos de cet objet. Nous allons commencer à fantasmer et trouverons cela probablement agréable. Nous allons nous complaire dans ces pensées. Il est possible également que ce soit la colère qui s'introduise dans notre esprit. Nous sommes donc attachés à ces choses. Nous sommes liés. Et étant liés à ces choses, il devient impossible d'échapper au cycle des renaissances. Nous serons dès lors condamnés à reprendre naissance, ad vitam aeternam, vieillir et mourir. Et non pas dans un seul plan, mais dans différents plans. Parfois, nous reprendrons donc des naissances dans l'un des quatre plans inférieurs, les apayas. Parfois, ce sera dans le plan humain, si nous avons fait du bien, comme Dana, Sila. Si nous pratiquons Dana, Sila, nous reprendrons naissance dans les plans de Deva. Tout ceci, c'est le plan sensuel. Si nous pratiquons les jhanas, nous pourrons reprendre naissance dans les plans de Brahma. Mais si nous ne pratiquons pas les jhanas, ce n'est pas possible de reprendre naissance dans ces plans. Ces cinq premières entraves sont appelées Orambatiya Samyojana, les entraves mineures. Les êtres ordinaires, les Putujanas, sont attachés par 10 Samyojanas. Il y a 10 sortes de cordes qu'ils maintiennent attachées. Mais les 5 premières sont appelées les entraves mineures. Quelqu'un qui pratique Samatha dans le but d'atteindre les Jhanas va reprendre naissance dans les différents plans de Brahma. Qu'il atteigne le premier Jhana, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Dans ces plans de Brahma, la durée de vie est incalculablement longue. Mais, en tant que Brahma, il n'est pas possible de se libérer des Samyojanas. Pour se libérer des Samyojanas, il faut obligatoirement pratiquer les 4 établissements de l'attention. Dans les plans de Brahma, on ne peut donc pas se libérer des Samyojanas. Par contre, on reprend naissance dans les plans de Brahma. Mais dans ces plans, où la durée de vie est incalculablement longue, il est cependant inévitable de mourir. Un jour, ces personnes reprendront naissance dans un des plans inférieurs au plan de Brahma. Mais la personne qui a atteint l'illumination par la pratique de Vipassana élimine automatiquement les 3 premiers facteurs, les 3 premiers Samyojanas. Il ferme définitivement les portes des mondes inférieurs, les apayas. Plus jamais il ne reprendra naissance dans ces plans. Et s'il devait encore reprendre naissance, c'est 7 fois au maximum et toujours dans les sugatis, c'est-à-dire les plans heureux des devas et des humains. Ces 5 premiers facteurs sont donc appelés les Orambatiya Samyojana, certains groupes de Samyojana. Les 5 facteurs suivants sont appelés Udambatiya Samyojana. Ce sont les facteurs majeurs, tout simplement parce qu'ils sont supérieurs aux autres. Lorsque la personne atteint l'état d'anagami, il ne revient plus jamais dans le plan humain. Il reprend naissance dans l'un des 5 plans de Brahma. Par la pratique des jhanas, on peut également atteindre le monde de Brahma. Mais là, la personne va s'attacher à ce monde de Brahma. Les mondes de Brahma, il y en a de deux sortes. Le monde de la sphère de la forme et la sphère sans forme. S'il reprend naissance dans la sphère de la forme, il va éprouver du désir pour ce type d'existence, c'est Ruparaga. S'il reprend naissance dans la sphère sans forme, il va également éprouver du désir pour cette existence, c'est Aruparaga. Ruparaga et Aruparaga sont des Samyojana. Je n'entrerai pas dans les détails à propos de Ruparaga et de Aruparaga Samyojana, puisque nous ne pratiquons pas la méditation qui mène au jhana. Notre but lorsque nous méditons, c'est d'atteindre l'illumination, Nibbana. Je ne reviendrai plus là-dessus pour l'instant. Les trois facteurs suivants sont mana, l'orgueil, udacha, l'agitation, et avidya, l'ignorance. Ces trois facteurs sont très vivants en nous. L'anagami, celui qui ne revient plus qu'une fois, a éliminé kamaraga, le désir sensuel, et patiga, la colère. Les trois premiers Samyojana, il les avait déjà éliminés lorsqu'il a atteint l'état de Sotapanna. L'anagami est une personne qui ne reprendra plus jamais naissance ni dans le plan humain, ni dans le plan de Deva. Il ne peut reprendre naissance que dans les plans de Brahma. Mais il n'a cependant pas encore atteint Nibbana. Il n'atteindra Nibbana qu'au moment où il deviendra un arhat, et qu'il aura éliminé totalement les Samyojana. Mana Samyojana, l'entrave de la vanité ou de l'orgueil. Même un anagami n'a pas encore réussi à éliminer la vanité ou l'orgueil. Mais ces choses sont devenues très subtiles. Un anagami reste encore Arupa Raga et Mana, mais de façon très subtile, et c'est difficile d'éliminer ces formes subtiles. Donc, lorsque quelqu'un atteint le premier stade d'illumination, il devient très honnête, très sincère. Il n'a pas beaucoup d'orgueil, mais il a cependant encore une certaine forme d'orgueil très subtile. Même l'anagami a encore cette forme d'orgueil très subtile en lui. Quant à nous, les êtres ordinaires, bien sûr, nous avons encore beaucoup d'orgueil, beaucoup de mana. Nous avons toutes sortes de formes d'orgueil en nous. Udacha, l'agitation. Les êtres ordinaires sont très souvent agités. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes agités? Lorsqu'on médite, cette agitation va devenir très claire. Nous ne réussissons pas à maintenir notre esprit sur l'objet. Malgré nos efforts, l'esprit s'envole constamment. Il est partout. Il est agité. Il n'est pas concentré. Avidya, l'ignorance. Même l'anagami a encore de l'ignorance en lui. Quant aux êtres ordinaires, cette ignorance va très souvent se manifester et de façon très claire et très forte. L'esprit des êtres ordinaires est très souvent pris par Moha, l'ignorance. Donc, ces cinq facteurs sont les Udampatiya Samyojana, les entraves majeures. Donc, quel est le bénéfice de cette étude théorique? C'est que vous vous souviendrez très facilement des entraves, et lorsque le professeur vous expliquera de quoi il s'agit, vous pourrez comprendre très facilement, vous comprendrez de plus en plus clairement le Dhamma et en quoi consistent les entraves. Les laïcs ne sont pas comme les moines. En Birmanie, les moines doivent commencer par étudier ces choses par cœur. Ils les apprennent par cœur pour pouvoir par la suite les expliquer et les enseigner aux autres. Ils développent ainsi Panya Paramita. Les laïcs n'ont pas la possibilité d'étudier l'enseignement du Bouddha de façon théorique. Mais lorsqu'ils pratiquent, et qu'ils atteignent l'illumination, il est possible qu'ils aient Patisambhida Jnana. Patisambhida Jnana, c'est la connaissance analytique du Dhamma. Même si on est un arhat, il n'est pas certain qu'on aura Patisambhida Jnana. Il n'y a que quelques arhats qui l'ont. En Birmanie, il y a beaucoup de sayadaux qui mémorisent les écritures. Lorsqu'on parle des écritures, on veut dire le Tipitaka, le Sutta Pitaka, le Vinaya Pitaka et l'Abhidhamma Pitaka. Au total, il y a à peu près une quarantaine de livres. C'est donc énorme. Mais ces sayadaux ont réussi à tout mémoriser. Un des sayadaux Tipitaka, Tipitaka Sayado, s'appelle Uvichitta. J'ai eu la chance de pouvoir entendre un de ses enseignements sur cassette. Ce sayado explique que lorsque les méditants prennent les préceptes, il est bon qu'ils les prennent en pali, parce que s'ils les prennent en birman, comme c'est souvent le cas en Birmanie, ils ne seront pas encouragés à méditer dans le but d'obtenir la connaissance analytique du Dhamma. C'est pourquoi lui donne toujours les préceptes en pali, comme nous le faisons ici. Donc, étant inspiré par ce Tipitaka Sayado, lorsque moi-même j'enseigne, j'essaye de faire réciter les textes en pali par les yogis. J'essaye également de les faire réciter les qualités du Bouddha, du Dhamma, de la Sangha en pali, le chant du Metta en pali, parce que je comprends l'intérêt qu'il y a à le faire, comme l'explique ce sayado. Parfois, les méditants se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils doivent répéter en pali. Cela les ennuie. En plus, disent-ils, ils ne comprennent rien. Mais ceci est simplement dû au fait qu'ils n'ont pas compris l'intérêt qu'il y a à le faire. Lorsque on répète les formules et les expressions en pali, qu'on assimile les expressions pali, le langage est beaucoup plus précis, plus juste, il n'y a pas d'interprétation de l'enseignement du Bouddha. Et comment dois-je encourager ces yogis? Je leur explique alors qu'ils doivent en profiter parce que moi, je leur enseigne le pali gratuitement, alors que s'ils devaient se rendre en Amérique dans une école où on enseigne le pali, ça leur reviendrait très cher. Et parfois, pour les encourager à utiliser les mots pali, je leur demande de répéter avec moi en adoptant une certaine mélodie. Et de cette façon, ils ont l'impression que le pali est devenu très beau. C'est un petit peu comme si vous aviez préparé un curry et que vous le goûtez. Vous avez l'impression qu'il est très bon, parfois il sera moins bon. Si vous comprenez directement l'enseignement du Bouddha dans la langue d'origine, en pali, vous aurez un goût très différent du Dhamma. Mais Sayadaw explique que donc hier, il est venu écouter discrètement quand on chantait le Metta Sutta entre nous, et il a trouvé ça excellent. Il trouve également que nous chantons très très bien le Itipiso du matin, et c'est pourquoi il a expliqué à Damadina que dans le futur, il enseignerait ici les suttas. Now you have to repeat after me again. Sakkaya Dicchi Sanyojana. Sakkaya Dicchi Sanyojana. Vichikicca Sanyojana. Vichikicca Sanyojana. Silabhada Brahmasa Sanyojana. Silabhada Brahmasa Sanyojana. Kamaraga Sanyojana. Kamaraga Sanyojana. Patika Sanyojana. Patika Sanyojana. Rubaraga Sanyojana. Rubaraga Sanyojana. Arubaraga Sanyojana. Arubaraga Sanyojana. Mana Sanyojana. Mana Sanyojana. Udicca Sanyojana. Udicca Sanyojana. Avijja Sanyojana. Avijja Sanyojana. Now you are done. Sakkaya Ditthi Sanyojana. Vichikicca Sanyojana. Sila Baba Paramasa Samyojana, Kamagaya Samyojana, Patiya Samyojana, Rupagaya Samyojana, Arupagaya Samyojana, Mana Samyojana, Udyasha Samyojana, Avijja Samyojana. One more time. Sakaya Samyojana, Visikicha Samyojana, Silapada Paramasa Samyojana, Kamaraya Samyojana, Patiga Samyojana, Ruparaga Samyojana, Aruparaga Samyojana, Nana Samyojana, Udacha Samyojana, Avijja Samyojana. This is Sadhu. Sadhu, Sadhu, Sadhu. So that is enough for today. May you be well, happy, and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, Sadhu, Sadhu.